Contre les exercices Ulzifridan Gadion des bellicistes américains et sud-coréens, le comité suisse-coréen et le cercle suisse d'études des Zedutse ont publié le 23 août une déclaration commune. De même, au Bangladesh, le Parti communiste marxiste-léniniste, la Ligue populaire, le comité préparatoire pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes Pektusan 2017, le cercle d'études des Zedutse, le comité d'amitié et de solidarité avec la Corée et le cercle d'études de la politique de Sungun ont lancé en commun le 25 août une déclaration. Par ailleurs, le comité de solidarité des syndiqués autrichiens pour la réunification pacifique de la Corée a envoyé le 26 août une lettre de protestation à l'ambassade américaine dans son pays.